Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Montmirail dans le cadre du festival L'Imagine à Livre qui se déroule actuellement à la fac les 17 et 18 mars 2017. Je suis en compagnie aujourd'hui de Bruno Marchesson et Jean-Claude Duniac pour une émission sur le thème du numérique et ce qu'il change au livre et à la littérature en général. Alors du coup, de base, je vais essayer de vous présenter. Donc, bonjour, Bruno Marchesson, donc, je suis président et fondateur des éditions Via Fabula. Et moi, je suis Jean-Claude Duniac, je suis écrivain, je suis aussi ingénieur de recherche à Airbus et je suis très intéressé par le thème du numérique et j'avais écrit un petit tutoriel pour aider les gens à fabriquer des livres numériques à partir de leur fichier Word. Mmh, d'accord. Et je suis aussi en compagnie de l'équipe, évidemment, avec du coup Karel, Emmanuel et Étienne autour de cette table qui vont avec moi poser des questions du coup justement... à nos deux invités sur le thème du numérique. Alors du coup, ma première question c'est, vous avez fait une conférence hier dans le cadre justement de l'Imagine à Livre sur justement le thème du numérique et sa place, et ce qu'il change au livre. Et vous avez notamment utilisé l'expression « on est à l'an zéro du numérique ». Alors qu'est-ce que vous entendiez par cette expression ? En fait, mon point c'est que le livre numérique, on en parle depuis 10 ans, et que depuis 10 ans, il y a deux aspects au livre numérique. Mmh. Rapidement, il y a le fond et la forme. C'est-à-dire que les gens ont vraiment bossé depuis 10 ans sur le fait de numériser le livre. Et comme dirait Jean-Claude, un livre au départ est déjà numérique. Et en fait, depuis 10 ans, tout ce qu'ils font, c'est de l'EPUB, du PDF, etc. Mais il n'y a personne qui s'est jamais intéressé à la forme et à ce que le numérique pouvait apporter à la manière de raconter une histoire. Et à tout ce que ça peut impliquer. C'est un peu comme imaginer qu'au cinéma, il se soit servi du numérique juste pour faire des AVI, des MKV, et juste pour pouvoir remplacer les bobines par des octets. Et, sauf qu'au cinéma, ils ont utilisé le numérique pour faire des effets spéciaux, pour faire tout un tas d'autres choses. Et en littérature, il y a eu quand même assez peu de choses qui ont travaillé sur la forme, sur des textes dynamiques, des textes enrichis, etc., etc., depuis 10 ans. Donc je disais l'an 0, allez, on va peut-être dire l'an 1. D'accord, ok. Et donc justement, enfin, vous n'avez pas expliqué d'ailleurs qu'est-ce qu'était le principe justement de Via Fabula et quels sont vos e-books, vos livres adaptatifs ? Alors, modestement, donc on essaie justement de travailler sur l'aspect forme. Donc, on a fait des livres qui s'adaptent à leur lecteur, c'est-à-dire des livres qui vont changer en fonction du lecteur, dont le texte, le cœur même de l'intrigue, va changer en fonction du lecteur. Donc, l'exemple typique que je donne aux gens, c'est si vous lisez « Ce soir à Toulouse et qu'il pleut », ben, l'histoire va se passer ce soir, en temps réel, à Toulouse, et il va pleuvoir. C'est-à-dire qu'on va changer toutes les descriptions de texte de l'histoire pour vous raconter des scènes de pluie. On va injecter les informations, etc. On va un peu plus loin parce qu'en fait, on sait aussi si le lecteur est un homme, une femme, s'il est célibataire, en couple. Et on va se servir de tout ce corpus de données sur le lecteur pour pouvoir influencer l'histoire et pouvoir changer l'histoire. Et ce n'est pas une histoire interactive parce que ce n'est pas le lecteur qui va choisir ça. C'est nos algorithmes qui vont choisir dans toutes les histoires possibles quelle est celle qui s'adapte le mieux au lecteur. D'accord. Mais du coup, quelle est la limite, quelle limite est-ce qu'on peut poser entre un livre du coup numérique et justement une œuvre telle quelle qui est genre multimédia avec du coup auquel on ajoute du son, auquel on ajoute... Alors ça, c'est un peu le papier cadeau, c'est ce qu'on a fait au-dessus. Mais vous le savez tous à Noël, hein, le papier cadeau, ça compte. Donc en gros, on s'est dit, bon ben voilà, on est sur un média vivant, c'est un smartphone, une tablette. Il n'est pas inerte, donc on va pouvoir justement jouer sur l'image, sur le son, etc. On n'a pas voulu faire quelque chose d'illustré, quand on a du texte, c'est vraiment du texte, mais on a fait un essai de sonorisation. C'est-à-dire qu'en gros, vous arrivez, il y a une scène où le personnage est dans un parking souterrain, vous entendez l'écho de ses pas pendant que vous êtes en train de lire, et ça vous immerge. Notre but, c'est d'immerger encore plus le lecteur dans l'histoire. Mmh, d'accord. Oui, il y a quelque chose de très particulier justement dans cette démarche que moi je trouve passionnante dès le début, c'est qu'elle permet aussi à des gens qui ont du mal avec le simple fait de lire, des gens qui ont des difficultés à l'idée de prendre quelque chose qui sont juste des mots sur un papier, et on aide ces gens-là à leur dire oui mais ces mots-là ce seront les tiens, ils parlent de toi, ils sont vraiment dans l'endroit dans lequel tu te trouves et d'une certaine façon ils sont déjà conçus pour te parler à toi et à toi seulement. Et ça, c'est une démarche passionnante parce que ça ramène vers l'acte de lire, vers l'acte d'imaginer une histoire à partir de textes, des gens qui disaient non, la lecture, c'est pas pour moi aussi. Et aussi, de l'autre côté, les gens qui sont des gros lecteurs, j'en suis un, disent c'est génial d'avoir quelque chose dans lequel on n'est jamais sûr d'être passé dans tous les endroits et on n'est jamais sûr que l'histoire ne va pas à un moment donné s'éloigner de l'endroit où je suis parce que justement je suis à un autre endroit que ce où j'ai l'habitude d'être. Et ça, c'est formidable. Mais si du coup on donne un sound design, enfin justement on donne un bruit caractéristique des pas lorsque l'on lit justement le personnage fait des pas, ou lorsqu'il y a un orage qui passe, justement comme vous aviez donné l'exemple hier, on va entendre le bruit de l'orage. Est-ce que du coup on n'enferme pas justement, est-ce qu'on ne donne pas des limites en fait, on ne pose pas des limites à l'imaginaire du lecteur en lui donnant justement des limites dans le récit? Alors, le but, c'est vraiment de stimuler l'imagination du lecteur ou de la faciliter, mais jamais révéler. C'est le gros avantage de l'écrit par rapport au cinéma, au visuel, au support visuel, c'est que les personnages, les gens se les imaginent. Ça fait travailler leur imaginaire, et dans leur part d'imaginaire, il y a une part d'eux. Et donc justement, c'est vraiment la limite qu'on essaie de ne jamais franchir, c'est-à-dire qu'on fait des sons d'accompagnement, des sons d'ambiance, mais on ne fait pas de sons très explicites derrière, on ne fait pas de sons dérangeants non plus, parce que quand on lit, on ne fait pas autre chose, mais on essaie vraiment, la même manière si vous prenez nos livres, notamment le premier, Chronique d'Abîme, on ne représente jamais le personnage. Il y a un traitement photographique qu'on a voulu pour montrer que c'était une histoire réaliste, mais on voit le menton du personnage, on voit sa petite amie, mais de dos et de loin, etc. Le but était vraiment de dire, c'est des éléments d'ambiance qui vont te stimuler, mais par contre, le personnage, on laisse le lecteur l'imaginer. Il y a, du coup, de ce que je comprends, il y a un savant mélange, un doux équilibre entre stimulation et en même temps ne pas trop donner au lecteur. Juste, moi, j'ai une question peut-être un peu bête. Ça a été difficile à trouver cet équilibre ou c'est venu de lui-même, peut-être? C'est un peu spécial comme question, peut-être. Non, il y a des essais-erreurs. Et puis après, on fait des tests utilisateurs, tout simplement. C'est-à-dire qu'en gros, avant qu'on sorte notre première histoire, on a fait venir des gens sur le canapé à côté de notre boulot et on leur mettait une GoPro sur la poitrine. On les laissait tout seuls avec l'application et on regardait comment ils s'en servaient, quel était leur ressenti, etc., etc. Et on a travaillé, on travaille là-dessus. Là, j'avais parlé hier des innovations sur lesquelles on travaille. Généralement, la dernière phase, c'est toujours du test utilisateur et on essaie de voir ce que les gens comprennent, ce que les gens acceptent, quelle est la limite de ce qu'on veut. On a toujours une idée de la limite, on la valide toujours par des tests utilisateurs. D'accord, ok, ouais, merci. Ah, Étienne, une question, excusez-moi. Et du coup, comment ça s'écrit? Parce que est-ce que c'est l'auteur qui vient, qui a son livre déjà écrit et du coup vous l'adaptez, ou est-ce que c'est pensé dès le départ? Alors pour l'instant, on n'en est pas encore à avoir des auteurs qui le pensent dès le départ en termes d'alternative. Ça commence, hein. Voilà, mais ce sera l'étape après. Aujourd'hui, concrètement, comment ça se passe? On a des auteurs qui arrivent avec un texte, une nouvelle, un roman. Et on leur pose la question et on voit avec eux en disant, tiens, si dans cette scène-là, ça ne s'était pas passé comme ça, est-ce que ça aurait généré une autre situation intéressante? Est-ce que ça aurait généré un autre contexte dramatique? Etc. Donc on travaille pour l'instant, donc ils arrivent avec leur texte, on travaille avec eux sur les alternatives. Mais là, c'est vrai que je viens d'avoir, par exemple, une auteure de science-fiction qui est arrivée, qui me dit, j'ai cette histoire-là, elle s'y prête très bien, et j'ai des idées sur les fins alternatives que je vais pouvoir faire là-dessus. Du coup, vous avez des propositions justement de livres adaptatifs avec juste l'immersion au service de la lecture. Et vous avez aussi d'autres livres, si j'ai bien compris, où justement on laisse le choix aux lecteurs a priori, s'ils sont justement des lecteurs ou s'ils sont des joueurs. Alors ça fait partie justement quand on parlait des tests. Mm-hmm. L'année dernière, du coup, on a eu un vrai problème parce qu'on a sorti notre premier bouquin. Notre boulot, on est ce qu'on appelle une start-up. Et la dimension d'une start-up, c'est la prise de risque et l'expérience. On ne sait pas comment les gens perçoivent ce qu'on fait, si ça va marcher, etc. Et on affine toujours notre concept. Et ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que lors des fameux tests utilisateurs, les gens lisaient l'histoire qui était vivante, mais on leur montrait une histoire simple. Et ils arrivaient à la fin, ils disaient « Bon, bah, c'est cool, j'ai lu une histoire, what else ?» Et donc du coup, on s'est dit « Bon, bah, on va leur remettre un petit peu de choix quand même pas tout le temps, mais pour leur montrer que ça peut influencer l'histoire. Et donc on est sorti comme ça, et on s'est retrouvé avec deux publics, et on a donc les joueurs, ceux qui veulent influencer l'histoire, qui veulent faire un choix, revenir en arrière, faire l'autre choix et voir ce que ça change. Donc ça, c'est les rôlistes, les joueurs de jeux de rôle, etc., qui prennent la dimension jeu. Et on a, la majorité, c'est des lecteurs. Et quand on est dans le plaisir de la lecture, on n'a pas envie d'être interrompu par des questions qui surgissent. Et donc ceux-là, du coup, on avait contenté aucun des deux publics. Les joueurs ne pouvaient pas influencer autant qu'ils voulaient, et les lecteurs ne pouvaient pas rester tranquilles dans la lecture. Donc maintenant, ce qu'on a fait depuis septembre-octobre, à la fin, juste au début de l'histoire, on dit comment voulez-vous interagir avec l'histoire. Je ne peux pas interagir avec l'histoire. Et on rappelle aux gens que l'algorithme va faire tous les choix pour eux. Et je veux interagir tout le temps avec l'histoire. Et dans ce cas-là, les gens, on leur matérialise les choix et toutes les divergences dans l'histoire. Et est-ce que ce principe de livre numérique, il peut s'adapter à autre chose qu'à des romans ou à des nouvelles, je sais pas, des pièces de théâtre par exemple, des recueils de poésie ou autre? Bah, dans l'absolu, oui, parce que j'allais dire, moi au départ, je suis informaticien, donc j'allais dire, l'outil peut servir à tout. À partir du moment où j'ai un copain qui m'a proposé pour des livres techniques, en me disant, tiens, en fonction du niveau de la personne, je peux lui proposer tel cours ou tel niveau de cours, etc. Dans l'absolu, oui. Après, il faut trouver des usages, des gens qui sont prêts à faire. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plutôt les romans, les nouvelles. S'il y a des poètes et des auteurs de théâtre que ça intéresse, on verra à ce moment-là. Et qu'est-ce qui vous a poussé tous les deux, en fait, de base, à vous intéresser au numérique, justement, et à adaptation du livre au format numérique? Alors, je réponds en ce qui me concerne. Donc, pour moi, ce que les gens ne réalisent pas actuellement, c'est que dans le début des années 80, il y a eu quelque chose qui s'est appelé la digitalisation. C'est-à-dire qu'on a transformé des objets qui étaient des objets solides en une série de 0 et de 1 qui circulaient sur les ordinateurs. On l'a fait pour la musique, on l'a fait pour la photo, on l'a fait pour les livres un petit peu plus tard. Les gens n'ont pas mesuré et ne mesurent toujours pas l'importance que ça a pu avoir. L'importance que ça a pu avoir, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, tous ces 0 et ces 1 peuvent être traités de manière identique par des outils communs qui peuvent faire des analyses transverses de tous les côtés, qui peuvent savoir énormément de choses en faisant des coupes à travers la masse d'informations, qui lisent un livre en moins d'une seconde, en faisant un résumé en moins d'une seconde, qui sont capables d'écouter des milliers de morceaux de musique en une seconde en disant « tel morceau est faux », ce genre de choses, et qui sont capables de savoir des choses sur vous que vous n'imaginez pas. Donc ce phénomène-là, moi j'avais fait ma thèse à l'époque sur les superordinateurs, c'était vraiment cette période-là, je l'ai vu apparaître, je me suis dit, mais comment se fait-il que les gens n'aient pas mesuré l'impact que ça allait avoir sur notre société? On a eu des exemples récents où un certain nombre d'hommes politiques découvrent avec stupeur qu'on garde la mémoire de tout ce qu'ils ont dit, et qu'on est capable de leur ressortir un discours d'il y a 10 ans, et de le mettre à côté du discours d'aujourd'hui, s'apercevoir qu'ils disent la même chose. Ils n'ont pas réalisé que l'information numérique reste disponible, qu'on la garde, qu'on la stocke, qu'on l'utilise. D'accord ? Il ne faut pas croire que ce sont des gens qui se souvenaient qu'il y a 10 ans de ça, le discours, il avait dit la même chose. Ce n'est pas vrai. C'est des outils numériques qui ont recherché dans les trucs les similarités. Vous voyez ? Ils n'ont pas encore réalisé, et ils ne le réalisent toujours pas parce que ce n'est pas encore dans leur culture, dans leur tête. Moi, c'est dans la mienne, parce qu'il se trouve que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et je me suis posé la question en tant qu'écrivain de me dire, ok, ça signifie quoi pour mes histoires? Que deviennent mes histoires dans tout ça? Est-ce qu'elles sont fluides? Est-ce qu'elles sont modélables? Ou est-ce qu'elles sont juste ce que je veux qu'elles soient et pas autrement? Et pour moi, la réponse, c'est l'histoire est plus grande que moi, donc je ne veux pas qu'elle soit juste ce que je veux. Si elle peut être meilleure, plus riche, etc., et si les autres lecteurs peuvent l'enrichir, autant que ça se fasse. Et c'est pour ça que quand Bruno, il y a un an et quelques, m'a présenté son projet, je me suis dit, voilà quelque chose que j'ai, sur lequel j'ai envie de regarder, sur lequel j'ai envie d'aller voir. Et donc, je suis allé voir. Moi, de mon côté, alors, bah, de base, je suis informaticien. Mais ça, c'est mon boulot et ça l'a été pendant, enfin, ça l'est toujours un petit peu depuis 20 ans. Et du coup, j'ai l'autre partie de ma vie qui était donc président de jeu de rôle, scénariste, médiocre écrivain, mais dans un coin. Et à un moment, voilà, je suis arrivé à me poser la question, ça devait être 2010, à me dire, bon, bah, qu'est-ce que je pourrais faire en tant qu'informaticien sur les livres? Donc mes premières réponses étaient assez mauvaises. Et voilà, petit à petit, j'ai travaillé. Puis j'ai travaillé avec justement Marc Jallier, sur cette première histoire-là. Et ça, en fait, pourquoi je travaille dessus aujourd'hui, c'est que j'essaie de mixer un peu les deux aspects. C'est-à-dire qu'on parle d'un monde littéraire, donc d'un monde non, peu scientifique ou non scientifique, et un côté programmeur où il y a assez peu de littéraire. Moi, je me souviens quand j'étais en société de service, faire écrire les gens, c'était quand même une histoire assez compliquée. Et du coup, voilà, notre seule particularité, nous, à Via Fabula, on n'est pas plus géniaux que les autres, c'est juste qu'on a à peu près, et dans l'équipe, ça se ressent aussi, on a une designeuse qui a des études artistiques et un développeur. On essaie vraiment de toujours mixer ces deux corps de métier, ces deux manières de penser, ces deux hémisphères de cerveau pour arriver à voir le problème dans sa globalité. D'accord. Et du coup, est-ce qu'à terme, le mieux serait de faire passer tous les livres en format numérique ou selon vous, ou pas du tout ? Non, d'abord, ce n'est pas le mieux. Ça veut rien dire. Il faut imaginer les avantages des uns et des autres. Mm-hmm. Quand tu lis beaucoup, c'est-à-dire quand tu lis au moins, on va dire, un à deux livres par mois, ce qui est considéré comme beaucoup. Moi, j'en suis à un livre par jour, mais disons qu'il y a un à deux livres par mois, ça existe quand même. Bon. À ce moment-là, passer en numérique une liseuse, c'est quelque chose qui te permet d'avoir avec toi en permanence dans ta poche 50, 100, 1000, 1500 livres, d'avoir une espèce d'accès à tout, parce qu'en numérique, on a tout un tas de choses, de pouvoir sauter de l'un à l'autre, de pouvoir faire des croisements, de pouvoir de temps en temps signaler qu'il y a une faute et t'arranger pour que l'éditeur la corrige, voire même la corriger toi-même, c'est très facile avec un petit éditeur. Donc, il y a tout un travail dans lequel le livre devient un objet extrêmement banalisé, simple et agréable, d'accord ? Et que tu transportes avec toi parce que c'est ta liseuse que tu transportes. Si par contre, tu lis un bouquin l'été parce que tu pars à la plage et un bouquin l'hiver parce que tu pars au ski, à ce moment-là, ça ne vaut pas la peine de t'acheter une liseuse. Économiquement, ça ne sert à rien. Puis, forte chance que quand tu la reprennes, elle soit déchargée parce que tu as oublié de la charger. Par contre, un bon bouquin papier bien solide, etc., que tu amènes à la plage et que tu jettes après, ça marche aussi. Donc, le faire ne sert à rien. Par contre, la démarche qui est actuellement le cas, c'est qu'à partir du moment où un livre, c'est avant tout un fichier, pour commencer, c'est un éditeur qui a un document Word, qui met ensuite en page sur Quark Express ou autre, donc c'est un fichier numérique. Fabriquer l'objet numérique, c'est élémentaire. Quand on a digitalisé déjà, transformer d'un format à l'autre, en général, c'est très simple. Mais le travail consistant à digitaliser, c'est-à-dire à passer de la bande magnétique au fichier MP3, ce que tu veux, ce travail-là, il est compliqué. Or, dans la littérature, ça fait 25 ans qu'on ne le fait plus. Moi, j'ai vu apparaître les premières disquettes, etc., chez les éditeurs, qui sont arrivées 10 ans après le grand public, parce que j'ai connu des éditeurs qui n'avaient jamais vu une disquette, alors que déjà, les ordinateurs personnels commençaient à se vendre. Mais maintenant, tout le monde envoie des fichiers. Donc, on est tous en numérique, déjà d'entrée, il n'y a pas de problème. Ça n'existe pas un livre qui n'est pas passé par une phase numérique depuis 15 ans, disons. Donc on le fait. Mais ça n'est pas mieux, c'est autre chose. C'est un produit qui a des qualités différentes et qui a un mode de vente différent, un mode de commercialisation différent, qui entraîne des modifications mais fondamentales dans la chaîne du livre, mais ça reste du texte, quoi. Je pense qu'il y a eu vraiment... La question est assez symptomatique, c'est-à-dire que les gens ont toujours tendance à opposer numérique au papier et en disant quel est le meilleur support, etc. Et hier, j'avais commencé justement la conférence en disant on va essayer d'évacuer le sujet, le support compte, et lire sur un smartphone ou une tablette ou une liseuse, ça n'est pas la même chose que lire un livre papier, c'est différent, et notre boulot, c'est d'ouvrir des portes, pas d'enfermer. Donc, est-ce que le livre numérique remplacera le livre papier ? Sans doute pas. Le cinéma n'a pas remplacé le théâtre. Il y a toujours du théâtre. Mais c'est quelque chose qui est devenu différent. Par contre, il y a un exemple qu'on peut tourner qui est peut-être plus parlant que le cinéma et le théâtre. C'est par exemple celui de la photo. Quand j'étais petit, on allait en vacances au bord de la mer. Il y avait sur le front de mer une demi-douzaine de photographes à qui on donnait nos pellicules Kodak pour en avoir des sorties papier. Et puis sinon, on ne voyait pas nos photos. Tandis que maintenant, on va à la mer, il n'y a plus un seul photographe, simplement on a tous des caméras numériques ou des faux appareils photo numériques et on les regarde sur nos tablettes, sur nos téléviseurs ou même sur le petit display dans notre maison dans lequel on a une clé USB et on a rentré 50 photos. Donc la sortie papier, elle disparaît. Sauf que je vois réapparaître maintenant des gens qui font des albums papier de photos absolument superbes, chers. Ça vaut 60, 70, 80 balles, mais on sort ces trucs papier. La différence, c'est qu'il y a un métier entier qui a disparu, qui a été transformé par autre chose. Dans le numérique, on vit exactement la même chose. Mais c'est aussi bien peut-être de regarder sa photo sur une bonne tablette que de la regarder sur un papier. C'est juste, autre chose. L'important, c'est quand même la photo. Et d'autre part, quand on a sa photo en numérique, à ce moment-là, on ouvre Photoshop ou n'importe quoi d'autre, on dit, ah, tiens, je vais corriger les yeux rouges, ou tiens, je vais faire un gros plan sur le visage de truc, ou je vais lui rajouter tel truc ou tel machin. C'est aussi la possibilité de se dire, cet objet m'appartient et je peux en faire quelque chose. Est-ce que justement, il n'y a pas aussi un intérêt, enfin, intérêt entre guillemets, économique ? Mais ce sont des économies qui sont différentes. L'économie du numérique, elle a plusieurs particularités, encore une fois, que nos hommes politiques ont du mal à réaliser encore. L'objet dématérialisé, d'abord, il a été fabriqué une fois, et ensuite, toutes ses copies sont gratuites. Bruno te le dira, quand un livre fabriqué par lui est terminé et mis en vente sur les plateformes de vente, quel que soit le nombre qu'il en vend, il n'y a pas de travail supplémentaire de sa part. Alors que tu fais la même chose avec un livre, il faut retourner vers l'imprimeur pour en imprimer d'autres, il faut reprendre des camions pour amener le livre imprimé vers le truc. Enfin, il y a tout un travail, il y a des frais, ce qu'on appelle des frais récurrents. Et ben là, il n'y en a plus. D'accord ? Même chose, ça voyage immédiatement. Moi, je sais qu'en numérique, je vends des livres à des gens qui sont à Tombouctou. Parce que se connecter sur Amazon depuis le Japon ou depuis le truc, c'est très facile. Et à ce moment-là, tu peux télécharger le livre comme si tu étais chez toi. Donc, économiquement parlant, ça a un intérêt. Mais, encore une fois, il s'agit de deux logiques économiques complètement différentes. Tu as une logique de l'objet matériel, la boîte de petits pois. À ce moment-là, le livre n'est pas différent d'une boîte de petits pois. Et la logique numérique, dans laquelle le livre n'est pas différent d'un jeu vidéo que tu peux acheter sur en ligne ou d'un film que tu achètes en ligne. Donc c'est aussi, un des trucs qui explique que le livre numérique, les éditeurs n'y vont pas forcément sabre au clair en disant « Tiens, on va arrêter la production du livre papier, on va faire que du numérique. » Parce qu'ils ont une chaîne de distribution, une chaîne de diffusion, d'abord sur laquelle ils ont des intérêts économiques, et puis qui marche bien. Donc à un moment, ils disent « Le livre papier existe. » Ils savent aussi que le jour où le marché bascule du papier au numérique, tous les transporteurs, ça leur fera moins de travail, les imprimeurs, il y aura moins de travail, etc. etc. Donc ils sont plutôt dans une logique de « attendons que ça vienne, mais ne nous pressons pas trop », parce que on sait ce qui marche. Le numérique, c'est aussi un saut dans l'inconnu. On le voit, nous, on essaie de vendre des livres numériques contre des jeux vidéo sur les plateformes Apple, Google, etc. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes canaux de diffusion, c'est pas les mêmes ressorts marketing. Donc il faut réapprendre le travail et les gens, à un certain stade aussi, quand vous avez une entreprise qui marche, et là c'est le chef d'entreprise qui parle, quand on a une entreprise qui marche, quelque chose qui marche, on n'a pas forcément envie tous les 4 matins d'essayer un nouveau modèle, de se mettre en danger à essayer quelque chose de nouveau. D'accord. Et justement, avec la digitalisation, ça permet aussi à de plus en plus d'auteurs de s'auto-éditer. Et donc, du coup, ça crée énormément de e-books. Comment faire justement pour se démarquer, en quelque sorte, je voudrais dire, dans cette masse qui se dessine. T'as prévu d'écrire un bouquin sous peu, t'essaies de non, voir quand tu peux sortir du lot, c'est ça ? Non, mais il faut savoir qu'en France, plusieurs millions de personnes ont écrit un livre. Mm-hmm. C'est le chiffre, plusieurs millions de personnes ont écrit un livre. Écoutez, je ne savais pas du tout. J'aurais tablé sur quelques milliers. Mais... Tu peux imaginer une chose, il sort à peu près, je ne veux pas dire de bêtises, de l'ordre peut-être de 10 000 livres par an en France, toutes catégories confondues. Je crois que c'est plus. Hein. Ça peut monter jusqu'à 40 000, ouais. Mais je crois que si on compte. Tablons sur 10 000. Mais tablons sur 10 000 dans les genres qui nous intéressent. C'est-à-dire, tu intègres le polar, tu intègres la littérature générale. Je ne compte pas les livres, les livres pratiques, les choses comme ça. On va parler littérature en gros. En moyenne, on publie un manuscrit sur 100. Pour qu'il en sorte 10 000, il faut qu'on ait reçu 1 million. Oui. D'accord ? Déjà, c'est un chiffre qui te donne une idée. Le nombre d'écrivains dépasse le million. Vraiment. Des gens qui écrivent, il y en a partout. Bon, des gens qui publient, il y en a, comme je dis, 1%, mais des gens qui écrivent, il y en a partout. Et en plus, il y a tout un marché qu'Amazon, par exemple, connaît très bien. Tu es un adolescent ou une adolescente, tu as ton carnet ton carnet secret. Il y a eu une révolution à notre époque. Moi, quand j'étais petit, le carnet secret, c'était un truc qu'on planquait. Et si vraiment quelqu'un le lisait, c'était la fin de tout. Donc maintenant, on le poste sur Facebook, si tu veux, ou on fait son blog. Donc les gens se disent, je fais ça, j'ai un fichier Word, j'en fais mon livre. Il en vendra peut-être que 10, parce que les copains l'achèteront pour savoir s'ils sont dedans, par exemple. Mais quand tu as 1 million de personnes qui font un truc comme ça, tu en vends 10 millions. Et quand tu t'appelles monsieur Amazon, tu as 10 millions potentiels de clients de vente chaque année sur ce genre de choses. Et c'est un marché qu'ils ont parfaitement compris et qu'ils ont mis en place et pour lequel c'est très facile. C'est-à-dire que tu es un gamin ou une gamine de 16 ans, tu as envie que ton carnet et truc soit intime, soit sur Amazon, ça va te prendre très exactement 2 heures. Pour peu que tu aies ton document en fichier Word. Vraiment 2 heures. Bon. Et 2 heures après, tu pourras rentrer, tu fais ça le samedi, tu arrives le lundi en disant hey, les copains, mon truc est en vente sur Amazon. Et je suis sûr que le soir même, tu en as 3 ou 4 qui vont savoir qu'est-ce qu'elle dit de moi ou qu'est-ce qu'elle dit de moi ou je sais pas, tiens, elle a parlé du pro, je vais le regarder. Tu vois. C'est facile. Tu vois. La grande difficulté, évidemment, c'est de dire dans tout ça, qu'est-ce que j'ai envie de lire. Et ça, c'est un problème auquel on ne sait pas résoudre. D'abord, le rôle des éditeurs était quand même de dire si je le publie, c'est que j'ai mis de l'argent dessus et que j'y crois. Et on se disait, oui, quand même, Monsieur Flammarion, Monsieur Gallimard, ils se plantent pas trop. Et en tout cas, même si j'aime pas le livre, je n'ai pas l'impression que c'est un n'importe quoi. Tandis que si tu prends un truc auto-édité, je te garantis que ta probabilité de tomber sur n'importe quoi, c'est plus de 90%. Hein. Bon, c'est quand même lourd comme probabilité. Faut bien choisir quand même. Ouais, ça va. Nous, on a fait un petit concours de nouvelles où Jean-Claude nous a donné un coup de main derrière. On a reçu 150 textes. On en a gardé, je crois, 12 en finale où on avait dit, bon, ça, ils ont à peu près la moyenne, ce qui veut quand même dire que 138 textes sur 150 sont bons pour la poubelle. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un texte que vous allez lire une page et vous laissez tomber. C'est mal écrit, il y a des défauts de construction. Il y en a qu'on n'arrive pas à terminer physiquement. Mmh. Hein. On peut pas. On arrive au truc, on dit non, c'est juste pas possible, quoi. Donc des scènes qui sont pas décrites, juste de la troisième personne. Vous savez même le personnage n'a pas de prénom. Enfin des phrases qui ne veulent rien dire. Enfin, plein. Il y en a, mais comme ça tout le temps. Et donc du coup, ça va poser un deuxième problème qui, pour rebondir sur la deuxième partie de la question, c'est comment se démarquer. Et là, il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est que déjà, même sans l'auto-édition, il y a un problème de surproduction. Quand Jean-Claude dit il y a 10 000 nouveaux romans qui sont publiés tous les ans, même quand on est un lecteur comme Jean-Claude qui lit un bouquin par jour, ça veut dire qu'il lui faut 30 ans pour lire la production d'une année. D'accord ? Donc Je suis membre d'un jury, on est 11 et on n'arrive pas à tout écluser. Dans notre domaine, il se publie 700 à 800 bouquins par an et encore, je sens qu'on en manque. On arrive à tout lire, mais on se répartit sans. Et chacun ne lit pas tout. Hein. Et je peux vous dire que quand il y en a 2 sur 11 qui ont lu un bouquin et qui ont dit non, là, celui-là, c'est juste moyen, les autres n'essayent pas. On n'a pas le temps. Donc voilà, ça pose le problème de comment on se démarque dans cette masse-là. Donc l'auto-édition ne fait que rajouter. Un problème sur un problème qui est déjà existant. Donc, là-dessus, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence ? Il y a le bouche à oreille, la puissance marketing des maisons d'édition, la qualité du livre, et encore, ça dépend. Si vous tombez sur un lecteur qui a de l'influence, ou un critique qui a de l'influence et qui dit ce bouquin-là est vachement bien, ouais, vous avez du bol, mais il faut que le bouquin arrive sur cette personne qui a de l'influence, qui est sursollicité aussi. Donc c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. On est dans un cadre qui n'est même pas celui de la surabondance, qui est celui de l'hyperabondance. L'hyperabondance, c'est une situation qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Il y a 1 million de fois trop de choses culturellement dans tous les domaines. Actuellement, si je veux lire, si je veux écouter de la musique, si je veux regarder des films, si je veux regarder des séries, si je veux jouer à des jeux vidéo, j'ai 10 000 fois plus d'offres que de temps à y consacrer. Et une partie non négligeable de cette offre est à prix très bas, voire même gratuit. D'accord. Donc mon problème n'est pas de dépenser l'argent que je veux dépenser, c'est de dépenser mon temps. C'est-à-dire, je ne peux pas me permettre de regarder plus d'un quart d'épisode de série si je ne suis pas accroché. Je ne peux pas me permettre de lire plus de 30 pages d'un bouquin si je ne suis pas accroché. Je ne peux pas me permettre d'écouter plus de 30 secondes de la chanson. Si ça ne me va pas, ça ne me va pas. Pourquoi ? Parce que je suis en train de passer à côté d'un million de choses à côté. D'accord ? C'est ça l'hyperabondance. C'est une situation d'abord qui panique tout le monde. Il faut bien savoir que les gens sont complètement paralysés par rapport à ça. C'est vrai, c'est un problème qu'on n'imagine pas et dans lequel le facteur temps est devenu essentiel. Donc actuellement, les gens vous disent chez Amazon, je vais prendre les 50 meilleures ventes parce que si c'est les 50 meilleures ventes, il y a des chances que je ne perde pas mon temps. Tout le reste, je perds mon temps. À une époque, on s'était dit, comme il y a du numérique, ben tiens, tel auteur m'intéresse, je vais aller fouiller un petit peu ses autres œuvres plus anciennes, etc. Les gens ne le font pas. Ils vont taper dans les 50 de la liste. C'est le top 50. J'ai beaucoup d'amis musiciens, bon, je travaille un petit peu dans le domaine, et j'ai en particulier le fils d'un ami qui est un des gros producteurs américains, qui me dit, c'est très simple, le fameux top 100 américain, en dehors des 15 premiers, il n'y a rien qui vend. C'est-à-dire que les 15 premiers se payent la villa Malibu avec la Rolls, les 15 suivants se payent une bonne petite Renault Twingo, et les derniers, ben, ils peuvent aller au restaurant. Alors qu'ils sont dans le top 100. Mais la quantité d'argent et de généré, elle est totalement nulle. De ce côté-là, simplement, les gens n'ont pas le temps. Donc, il y a un regroupement vers le top 50. Et c'est en train de tuer, d'une certaine façon, l'auto-édition, parce que les gens disent, tu peux faire toute l'auto-édition que tu veux, j'achèterai le dernier Musso parce qu'il est dans le top 50. Voilà. Et ça, on ne sait pas le contourner. Il y a cette hyperabondance-là. Croyez-moi, l'hyperabondance, c'est un phénomène que personne n'a théorisé. Aucun économiste, à part peut-être l'année dernière, n'a envisagé ce que ça donnait. Vous imaginez une situation dans laquelle vous n'avez même pas le problème de vous préoccuper d'avoir faim. Vous êtes dans un supermarché immense, vous avez tout est gratuit, mais vous avez 1 kilomètre de fruits, 1 kilomètre de viande un peu plus loin, 1 kilomètre de poisson, et la question c'est qu'est-ce que vous allez manger ? Parce que vous, au bout de 10 minutes, vous n'aurez plus faim. Donc, est-ce que je vais là ? Non, en fait, j'ai l'habitude de mon steak frites, je vais rester au stand steak frites et j'en bouge pas. On me dit qu'il y a des trucs sympas à côté japonais, ouais, mais j'ai pas le temps, j'ai pas envie, je vais pas. Puis ça se trouve, ça va pas me plaire et c'est complètement con. Alors que là, au moins, le steak frites, il me va. On va pas sortir le steak frites. Mmh. La curiosité a été tuée par cette notion d'hyperabondance. Et nous, on vit ça. Hein. Vous avez l'exemple tout simple, hein. Vous lancez Netflix et puis vous passez 2 heures à essayer de choisir un film ou une série, parce qu'il y en a trop. Vous savez pas, vous regardez les notes, mais c'est pas finalement signifiant, etc. Je pense qu'à terme, ça peut amener même des choses où, si je reviens sur le domaine du livre. On dit, ben voilà, au bout d'une page, si je ne suis pas emballé, je laisse tomber. De la même manière, une vidéo YouTube, 30 secondes. Donc un jour, il va y avoir soit des écrivains, soit des maisons d'édition qui diront à l'auteur, je veux que ta première page, elle doit être super engageante, etc. Donc on le dit déjà, mon ami. S'il y a un truc que je fais refaire, moi, en tant qu'éditeur à mes trucs, je dis, mais tes 10 premières pages, mais elles doivent déchirer la mort, quoi, sinon, ce n'est pas la peine. C'est ça, parce qu'en fait, si les gens n'ont pas accroché sur ces premières pages, ils laissent tomber, ils passent à autre chose. Ils ont plein d'autres choses à faire. Et sur les applications mobiles, qui est notre domaine, on a exactement le même phénomène que pour le top 15, le top 100. C'est il y a quelques gros studios qui génèrent énormément de revenus. Et être 50e dans le top 50, même des livres en France, c'est les mauvaises semaines pour nous. C'est vraiment quand on a vendu quelques exemplaires, etc. Et on sait que ça rapporte peu. Et que pour arriver au top 10, par contre, il y a des marches et il y a des paliers qui sont assez forts aussi. D'accord, ok. Vous le mesurez pas, mais peu, ouais, faut être honnête. Bah, est-ce que tu réalises que passer 2 heures sur Netflix à choisir quel film, c'est le temps que tu aurais passé à regarder le film. Donc par rapport à l'époque où tu n'avais qu'un seul film à regarder, tu te rends compte qu'à cette époque-là, tu regardais plus de films que de temps passé à choisir le film que tu vas regarder. C'est ça l'hyperabondance. Mm-hmm. Tu es jusqu'au cou dans un truc que tu ne sais pas démerder parce que personne n'a les moyens de choisir. Et en plus, on a le réflexe de se dire, ouais, mais est-ce que la série d'à côté serait pas meilleure ? Est-ce que le bouquin d'à côté serait pas plus intéressant ? Et on est tout le temps dans cette espèce de frustration. Il y avait, c'est dans le domaine du jeu vidéo, vous voyez Steam peut-être, ouais. Qui est une plateforme donc de vente de jeux vidéo en ligne, et qui avait donc leur fameux truc qui s'appelait Greenlight, leur petit module pour proposer un jeu qui à 90% du temps était approuvé par la communauté, quand bien même il était très mauvais. Et du coup, on se retrouvait avec 4700 jeux publiés, puis il y en avait 200 chaque jour qui se rajoutaient, etc., etc. Et à tel point que Steam a dit que c'était plus jouable sur la fin. Bah, ça résout plus le problème. C'était la raison invoquée. D'ailleurs, je pense qu'il y avait aussi d'autres sorts économiques dont on n'a pas tellement entendu parler, mais il disait c'est presque contre-productif. Et du coup, ils ont, si vous me permettez le jeu de mots, ils ont fermé les valves. Et du coup, maintenant, ils pensent à une autre solution. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen d'endiguer ? Parce que si Steam est en train de réfléchir là-dessus... Il faudra, de toute manière. Il le faudra parce pendant 10 ans, on s'est appuyé sur les systèmes d'évaluation. On s'est dit, on ne peut pas évaluer, il y a trop de trucs, on va laisser les gens l'évaluer. Et le système d'évaluation, ce qui arrive aujourd'hui, c'est, enfin moi je reçois tous les jours des mails de gens qui me proposent que pour 5 centimes, ils me font une installation et une évaluation 5 étoiles. Ce qu'on a toujours refusé de faire parce que j'ai envie d'avoir la réalité de mon lectorat, etc. Mais en gros, vous imaginez que pour, 100 ou 200 euros, je vais avoir énormément de 5 étoiles, énormément d'installation de mon application, donc je vais apparaître dans les tops, etc. Mais ce sera complètement artificiel. Donc les gens ont déjà perverti le système d'évaluation. Et donc du coup, et puis de toute manière, les gens qui doivent évaluer, on se retrouve aussi avec 90% des applications, des livres ou des musiques qui n'ont pas d'évaluation. Ou deux évaluations, qui sont celles de l'auteur et de sa femme, pour dire... Sa maman aussi, ça joue. Il fait trois, et là, déjà, on est pas mal. Je crois que ça commence à être du gros. Hein. Mais il y a des situations, moi, je vois ça sur Facebook, puisque j'ai beaucoup d'amis écrivains sur ma page Facebook, qui te disent, mon nouveau livre sort, par exemple, telle date. Si vous acceptez d'attendre 4 jours après pour que tous le même jour, vous fassiez la commande sur Amazon, Je vous demande de regrouper les commandes le même jour. Ce jour-là, je vais passer dans le top 20, puisque j'aurai eu 14 commandes ce jour-là contre zéro. Et à ce moment-là, comme ça va rester encore 2-3 jours, avec un peu de chance, ça attirera des gens qui le liront et un bouche à l'oreille démarrera. C'est simplement rassembler sur une date pour faire cette espèce de différence. Et donc, tu finis par toi-même gérer des stratégies marketing un peu à la con pour simplement que ton objet d'art soit repéré. Et je pense que si on revient sur l'auto-édition, la plupart des gens qui font de l'auto-édition n'ont absolument pas conscience de ça. Ils se disent que ça va sortir, quelqu'un va le lire, va trouver ça génial. Donc maintenant, il y a des gens qui commencent du coup à vendre ces stratégies pour apparaître dans les tops, etc. Les agences de com sont bien entendu tout à fait au courant de ça et elles font, vous regardez le lancement de la Switch de Nintendo, c'est un cas d'école de marketing. Ils avaient 4 deadlines, c'est-à-dire que à une date, vous pouviez parler du déballage de la console. À une autre date, vous pouviez donner les premières impressions sur la console, puis ensuite les premières impressions sur Zelda et le jour de la sortie, etc. Ce qui leur a permis d'avoir une visibilité qui a écrasé à peu près tout le reste du marché. Donc là aussi, un particulier ou une petite maison d'édition ou une petite boîte de jeux vidéo n'a absolument pas les moyens là-dessus pour faire ça. Et donc là aussi, ça fait un effet mainstream, un effet où on a des top 2, 3, 4 qui dominent le marché et qui font que justement, donc là on arrive sur l'hyperabondance amène une hyperconcentration en fait, soit des titres, soit des auteurs, etc. Le numérique a aussi permis de faire ce qu'on appelle les services de presse de manière beaucoup plus rapide. Quand j'envoie mon livre en numérique à un blogueur, ça ne me coûte rien. C'est par internet, c'est un fichier de 0.5 méga qui circule. Et quand j'envoie mon livre, j'achète un objet qui vaut 10 balles, je le mets dans une enveloppe, je paye 4,50€ de timbre et je paye pour l'envoyer à un truc. Donc je n'ai pas les moyens de faire ça à 2000 blogueurs. Alors qu'en numérique, je peux faire un envoi à 2000 blogueurs. La difficulté, ce n'est pas d'envoyer 2000 exemplaires de bouquins numériques, c'est trouver 2000 blogueurs. C'est trouver des gens qui acceptent de le lire. Parce c'est que difficile. De l'autre côté de la chaîne, les 2000 blogueurs, eux, ont reçu 2000 livres. Oui, chaque jour. D'accord. Donc moi, j'ai la chance d'être un auteur qui a 35 ans, d'avoir des gens qui aiment ce que je fais et d'avoir une quinzaine de blogueurs et de critiques, en plus des critiques normaux, de journaux, etc., qui me disent « Envoie-moi ton dernier livre parce que j'aime bien ce que tu fais. » Et ça ne veut pas dire qu'ils vont t'en dire du bien. Ça veut dire qu'ils auront l'envie de le lire. Ce qui est le mieux que je peux demander. Et si, par hasard, ils l'ont aimé, ils feront un mot dessus. D'accord ? Mais ça, c'est un phénomène en sachant que pour obtenir ça, il faut que je passe devant 300 personnes dans la journée où ils l'ont reçu. D'accord ? C'est véritablement ça. Parce que ce phénomène des vidéos ou des youtubeurs, le phénomène des radios, des blogs, etc., etc., c'est en train de redonner un coup de fouet à la littérature, de jouer ce rôle de dire ça m'a plu pour telle et telle raison. Et quand une personne commence à avoir un profil qui est suivi, elle fera vendre, elle sera prescriptrice, mais elle sera peut-être prescriptrice sur 50 personnes qui, à leur tour, feront peut-être vendre sur 50 personnes. Moi, j'ai la chance, mon avant-dernier livre se vend sur le bouche à oreille 2 ans après. Mais c'est une chance inouïe. J'ai fini par avoir 80 trucs de blog simplement parce que les gens en avaient entendu parler. Et il y a énormément de gens qui sont venus se le faire signer en me disant « Je ne l'aurais pas acheté, mais c'est quelqu'un qui m'en a fait cadeau en me disant « Tu vois là, et donc effectivement, il m'a plu. » Et qui, quelquefois, me ramène quelqu'un en disant « Je lui ai dit qu'il fallait que tu le prennes. » Ça, c'est la situation idéale pour un écrivain, mais j'ai mis 35 ans avant que ça m'arrive. Voilà. Et pour quelqu'un qui fait de l'auto-édition, la probabilité, elle est très exactement égale à zéro. Je me permets une toute petite question qui fâche. Combien tu gagnes ? Non, pardon. non, pas du tout. Et plus sur le livre numérique en général, comment est-ce que c'est vécu par les libraires ? cette apparition du livre numérique. Sans parler d'Amazon, sans parler de la FNAC, mais plus vraiment des libraires qui ne vendent que des livres, on va dire. Alors nous, on a une expérience... Voilà, livre papier, pardon. On a une expérience là-dessus, puisqu'on a donc, y a Aurélie qui est mon associée, qui n'a peur de rien, ce que j'admire chez elle. Et du coup, un jour, elle a dit, bon, moi, je vais faire le tour des libraires à Toulouse, et puis on va aller voir ça. Bon, bah, le premier, il l'a descendu au lance-flamme en lui disant qu'il allait mourir, que c'était de notre faute, que le numérique allait le tuer, qu'il était de toute manière tenu à l'écart de tout ça, etc. Je vous donnerai le nom de la librairie hors antenne. Et du coup, moi, je serais rentré me terrer et pleurer dans mon coin. Et elle, elle a dit, bon, bah, il ne peut rien m'arriver de pire. Elle a fait une deuxième, une troisième librairie. La chance qu'elle a eue, comme quoi il faut s'obstiner aussi, c'est qu'elle a rencontré des libraires qui, eux, étaient tout à fait ouverts. Là, il y a un libraire aussi sur Imaginalive qui me dit, moi, le livre numérique homothétique, ce qu'on appelle homothétique, c'est-à-dire vous achetez la même chose en moins bien et au même prix en numérique que ce que vous auriez en librairie. Il me dit, ça ne m'intéresse pas. Il me dit, ce que vous, vous faites... Ben, au moins vous avez travaillé, etc. Il me dit, ben, ça m'intéresse qu'on puisse vendre votre livre numérique dans notre librairie. Donc c'est à peu près 50-50. Après, la réponse un peu bateau, c'est un peu de demander à une dame ce qu'elle pense de Noël, quoi. Les libraires, ce que disait à un moment Jean-Claude pour les photographes, les développeurs de photos, pas ceux qui prennent des photos, mais les studios, les Kodak, etc., qui développaient les studios, ils ont disparu. Les disquaires ont dans grande majorité disparu. Les métiers se sont transformés. Il y a maintenant Photobox pour faire ses propres tirages photos, etc., etc. Donc il y a de la chance que si un jour le marché bascule du papier au numérique, il y ait des librairies qui ferment parce qu'elles ne veulent pas s'adapter. Mais j'allais dire, moi je m'en sens ni coupable ni responsable, puisque nous en plus on essaie d'aller leur proposer quelque chose qui leur permet de vendre nos livres numériques en librairie. Le libraire joue un rôle fondamental qu'on a tendance à oublier, c'est le rôle de conseil. Moi, j'ai ma librairie, mes librairies, si je puis dire, qui sont des gens chez qui je vais en disant « qu'est-ce que tu as à me conseiller ?» et qui vont te sortir un bouquin de l'armoire en disant « est-ce que tu as lu ça ? C'est génial. » Ça, ce rôle-là, il est irremplaçable. Et je suis désolé, ce n'est pas Amazon qui va me le faire. Même si Amazon me connaît bien d'après ce que j'achète, mon libraire me connaît mieux. Bon. Donc, ce rôle de conseil-là par rapport à un produit numérique, pourquoi pas ? À ce moment-là, on achète dans la librairie, on a une borne numérique, on vient avec sa liseuse et on se branche et on le récupère. Il ne faut pas oublier aussi que pour un certain nombre de gens âgés, pour qui les liseuses sont des choses fondamentales parce que ça permet d'avoir des caractères gros, moi je sais que j'ai eu des membres de ma famille qui ont recommencé à lire après 80 ans parce que la liseuse leur permettait d'avoir des gros caractères. C'était vraiment une révolution pour eux. Mais par contre, il ne fallait pas compter sur eux pour se connecter sur Amazon, rentrer un code et puis récupérer le truc avec une prise USB. C'était pas la peine. Donc, le fait d'aller dans un magasin avec son appareil en disant « je voudrais acheter tel livre » et le type où prend l'appareil fait le etc., c'est déjà un service. Bon. Ce service-là, les libraires peuvent le rendre. Bon, on a réfléchi à des histoires de bornes, etc., etc. Il y a une chose aussi, c'est que les libraires auraient intérêt en ce moment à se spécialiser et à fournir un travail très spécifique sur un champ qu'ils connaissent. Je sais qu'on connaît tous des librairies, une librairie Polar, par exemple, on a Série B ici au festival, ou une librairie de science-fiction fantasy, dans laquelle la personne, elle connaît parfaitement son stock, elle sait quoi lire, elle ne pourra pas tout faire ça sur 40 000 bouquins par an, littérature générale, mais dans son domaine, elle est importante, elle est précise. Au niveau des États-Unis aussi, ils ont des phénomènes intéressants. Ils ont des rares librairies qui subsistent parce que, par exemple, ils ont créé des clubs de lecture. Vous avez des clubs de tricot et de lecture qui se réunissent dans les librairies. Bon, j'en ai croisé. Une fois, je suis rentré dans une librairie et c'était à Santa Monica. Je crois que je ne ressortirais pas. J'avais une douzaine de dames qui tricotaient, qui parlaient de bouquins. Et quand elles ont appris que j'étais français, alors là, vraiment, qu'est-ce qui se lit ? Qu'est-ce qui se fait ? Que vous connaissez tel bouquin et tout et tout. Et tout ça avec le bruit des aiguilles en train de tricoter. C'était totalement surréaliste. Mais ça, vous avez un phénomène qui marche. D'accord ? La réflexion, c'est quoi mon métier ? Si mon métier, c'est d'empiler des boîtes de petits pois sur un rayonnage, le fait que la boîte de petits pois passe numérique, ça veut dire que je suis mort. Si c'est conseiller la bonne boîte de petits pois, parce que chaque boîte de petits pois est différente, à ce moment-là, j'ai une valeur ajoutée et c'est celle-là qu'il faut que je travaille. Ok. Alors, peut-être une dernière question. Moi, j'en ai une au niveau légal, en fait, sur le livre numérique face aux lois, en fait. Actuellement, enfin depuis quelques mois, la Cour européenne de justice est en train d'essayer de légiférer tout ça. Justement, au niveau du prêt du livre numérique en bibliothèque, comment est-ce que ça va se passer ? Au niveau de la TVA aussi, comment est-ce qu'elle va être gérée pour les livres numériques, dans le cas là précis en Europe, Elle ne va pas avoir la TVA réduite des livres papier, alors qu'en bibliothèque, par exemple, ce qui a été proposé, c'est que les livres numériques, en fait, soient prêtés comme des livres papier normaux, sauf que, en fait, le problème est que, du coup, on paierait les droits d'auteur pour un seul livre, alors qu'on pourrait le prêter des milliers de fois. Et alors, du coup, qu'est-ce que vous en pensez au niveau légal du développement du numérique et du développement des livres numériques ? Alors, c'est un sujet qui est juste affreusement complexe. C'est-à-dire qu'en effet, il y a le prêt national en librairie qui est une loi française. Il y a la France qui s'oppose à l'Europe sur les histoires de TVA, puisque en gros, aujourd'hui, par exemple, nous, des livres numériques, on paie 20% de TVA. C'est la différence par rapport à un livre papier, parce que comme on est enrichi, etc., on n'est plus considéré comme un livre homothétique. Et d'ailleurs, Apple et Google ne me posent pas la question. Ils me prennent 20%. Et ils reversent 20% de TVA. Donc je sais que la Commission européenne est en train d'essayer de travailler sur le sujet. J'avais répondu à un questionnaire d'ailleurs sur le sujet. C'est des sujets qui sont extrêmement complexes, notamment le prêt en bibliothèque, où on dit, bon ben voilà, c'est une chose de pouvoir prêter, sauf que l'auteur, faut voir aussi qu'avec le problème de surproduction et surabondance, ben, la part que reçoivent les auteurs, puisqu'il y a de plus en plus d'auteurs de qualité, etc., et de moins en moins de ventes par titre et des ventes globales, font que bah, du coup, les auteurs gagnent moins proportionnellement que ce qu'ils auraient pu gagner. Donc là, avec le prêt national en bibliothèque, ils touchent encore moins. Puisque du coup, pour chaque ouvrage, dans ce cas-là, ils ne toucheraient qu'une fois alors qu'ils ont 10, 20, 30 lecteurs et ils perdent des acheteurs potentiels. Après, j'allais dire, moi, je suis un légaliste. Hein, moi, je vais suivre ce qu'on me dit au niveau de la loi. Et là-dessus, j'allais dire, c'est même pas le cœur de mon sujet. Et nos livres, pour l'instant, nous, on est tellement en avance, c'est-à-dire qu'on fait des applications mobiles, c'est-à-dire qu'en bibliothèque, ils ne savent pas faire, ils ne savent pas prêter, etc. Il n'y a pas du tout de solution. Donc là, ils en parlent pour les EPUB, qui sont pour moi le livre numérique d'hier. Donc, qu'ils en discutent, ça va les occuper 10 ans. On verra. Et c'est valable pour la question, c'est valable pour le livre, c'est valable pour tous les objets numériques, c'est valable pour la musique, le même problème, etc. La particularité du numérique, on l'oublie, c'est qu'il n'y a pas de prêt, il n'y a que des copies. Et des copies à l'identique. Si je te donne mon EPUB, tu as une copie absolument identique. Alors qu'à l'époque de ma cassette, si je te faisais une copie de ma cassette, tu avais une dégradation du son. Et au bout de 3 copies, ce n'était pas la peine. Si je faisais une photocopie de mon livre, c'était moins bon. Ne parlons pas de la photocopie. Alors que la 10 000e copie de mon truc est exactement identique à l'octet près de l'original. Tu vois ce que je veux dire ? Donc la notion de prêt, elle est absurde. Ce n'est pas un prêt que je te fais, c'est un don. Et de la même façon, tu peux pas dire je ramène le livre numérique en bibliothèque, c'est idiot. Tu vois ce que je veux dire, c'est j'efface le fichier. Mais faut-il associer au fichier une petite indication qui va dire qu'une métadonnée quelconque, il n'a pas de valeur au-delà d'un certain niveau? D'abord, n'importe quel mirate va la craquer. Je veux dire, faut pas oublier ça. C'est-à-dire que tous les outils de protection numérique qu'on a fait, le rapport, je crois, le rapport est de 2 maintenant. C'est-à-dire qu'il faut 2 jours par an. Si tu as mis une année à créer ton problème numérique, il faudra 2 jours pour que les pirates le craquent. Ils veulent descendre à 1 sur 1, tu vois, un truc homothétique en disant vous aurez mis une année en mettant 50 développeurs pour faire un truc totalement inviolable et en un jour on vous l'aura baisé. Bon, ça c'est le principe, maintenant on en est là. Donc c'est clair, l'information, les 0 et les 1, ça veut circuler, ça circule très bien. Donc on ne sait pas, c'est clair, et on ne sait pas non plus, il y a toute une série de jurisprudence qui est quel est l'objet final. Un exemple, parce que ça aussi c'est des choses qu'on n'imagine pas. Je prends un livre numérique, je trouve une erreur dedans. Je l'ouvre avec un quelconque éditeur gratuit, je corrige l'erreur et puis je le passe à un copain. Le copain, ça se trouve, va le passer à un autre copain. Il va y avoir 2 versions du même livre. Le droit d'auteur dans ces cas-là, quel est l'auteur? Moi-même, tiens, j'ai pris ce truc-là, il me ferait vachement bien, mais moi, à sa place, j'aurais fait une scène différente. Allez, je rajoute une scène différente. Qu'est-ce que je fais? Je fais un sampling. Tiens, je vais faire une scène de toutes les scènes de cul de machin. Tiens, je me fais un super bouquin avec ça. Est-ce que j'ai droit? Quelle est la légitimité par rapport à ça? Sachant qu'à ce moment-là, copier-coller, ça se fait dans le livre numérique sans aucun problème. Hein. On a accès à tout le texte. D'accord? Donc, on peut faire énormément de choses avec ça. Je vous dis l'exemple du sampling, c'est vraiment quelque chose qui nous arrive. Eh bien, est-ce qu'on a le droit? Il y a des blogueurs qui vous extraient tranquillement 3 pages du bouquin en disant « Regardez comme c'est drôle ». Le problème, c'est qu'ils sont en infraction. Ils le savent pas. Ils le font pour des bonnes choses, pour dire « Regardez comme le bouquin est sympa ». Mais légalement, ils n'ont pas le droit. Mais ils ne le savent pas parce que c'est numérique. C'est tellement facile de faire copier-coller. C'est un peu comme si tu dis « Tiens, je te mets 1 minute de la chanson. Je te mets pas toute la chanson, mais je te mets 1 minute. Est-ce que tu as droit ?» Non, tu as droit qu'à 12 secondes. C'est des choses comme ça. Il y a toute une législation qui reste à trouver. Mm-hmm. Et à mon avis, on n'a pas fini de rigoler, hein, comme dit. Surtout que, encore une fois, il se pose la question pour les anciennes versions, les EPUB, etc., qui sont juste des versions pour transformer du texte comme un livre, du texte linéaire, en autre texte linéaire qui est lu sur une liseuse. Mais c'est de l'homothétique, on ne change rien. Mm-hmm. Maintenant, on n'a pas fini de rigoler, hein, je vous garantis. Mais malgré tout, l'EPUB est encore utilisé massivement aujourd'hui et enseigné, encore... Mais bien sûr, parce qu'il correspond à une très très bonne fonction. D'abord, il ne faut pas oublier, il y a quand même des millions de livres qui existent. Mmh. Et la transformation de ces millions de livres, que ce soit Shakespeare, Molière ou le livre de l'année dernière, c'est encore l'EPUB ou des formats de ce genre-là qui le restituent le mieux. D'accord ? Mais après... Puisqu'il y a d'autres formats, puisqu'on est digitaux, si on réfléchissait à l'avenir, et à ce moment-là, on se dit, ben peut-être qu'à cette époque-là, on fera autre chose. Je suis certain qu'il y avait des Égyptiens qui disaient, oui, écoute, le papyrus, c'est quand même vachement bien, mais je suis désolé, la tablette de cire, ça avait quand même un avantage qui était un peu pas mal. Quoi, quand même. Bon. Ça a une autre gueule. Puis c'était solide, et puis on peut s'en servir pour paver la maison après. Quand voilà, Joser, tu dis n'importe quoi. D'accord, ok. Bah, si vous avez pas... Moi, j'ai plein de questions. Bah, vas-y, mais voilà. Fonce alors. Je suis désolé, est-ce que je vous retire ? Lâche-toi. Allez, d'accord. Alors, déjà, j'ai une première question parce que, qui, en rapport avec ma formation. Qui est ta formation ? Alors, ma formation. Moi, je suis en linguistique informatique. Donc, la gestion de grands ensembles textuels ou de données linguistiques tout court, même, qui n'est pas forcément du texte au sens noble du terme. Voilà, par l'ordinateur, par la machine, tout ça. Et quand vous avez parlé de scénario, enfin pas de scénario, de mots principalement, vous avez même dit des verbes qui s'adaptent à la situation du lecteur, etc. Mm-hmm. Est-ce que je peux vous demander un peu comment ça marche, ça ? Parce que globalement, c'est un peu ma formation, vu que ce serait voilà, alors, la reconnaissance de lexique. Et, alors pour l'instant, là-dessus, j'allais dire, on va être sans doute beaucoup plus simple, puisqu'on a demandé aux écrivains de nous écrire les différentes variations, etc. Et on a un système expert qui va rediriger en fonction de tout un tas de paramètres, c'est un peu notre sauce secrète derrière, qui va mixer ça. On a quelques algorithmes simples d'injection de texte et de respect de règles grammaticales quand on injecte le texte. Par contre, je pense clairement que c'est un domaine sur lequel on va investir parce que, justement, le traitement linguistique, c'est le cœur. C'est le cœur du texte et donc ça va permettre plusieurs choses. On peut imaginer, on en parlait la dernière fois avec Jean-Claude, que des algorithmes nous disent déjà le premier tri en disant « ça, c'est un bon texte, ça, c'est un mauvais texte ». En disant « je suis certain que ça, c'est un mauvais texte ». Et ça, ça a des chances d'être un bon texte. Je préfère que ça m'enlève les 50% de textes qui sont mauvais de manière certaine et que ça me laisse travailler les 50% et puis après, on améliorera le système. Donc, le traitement linguistique peut servir à ça. Ça peut servir justement... Alors après, du coup, on va retomber sur les problèmes légaux parce que si jamais j'ai un algorithme qui va, à la place de l'auteur, remplacer une scène par une autre parce que mon IA pense que ce sera meilleur pour le lecteur, il y a quelque chose en France qu'ils appellent le droit d'auteur et qui fait que je garantis à l'écrivain que le texte que les gens vont lire, il l'a validé et que c'est bien ce que lui voulait faire. Faudra-t-il déclarer l'intelligence artificielle comme personne morale ? Non, mais par exemple, si tu as un auteur qui a écrit un ensemble de variations sur un ensemble de scènes et la variation de chaque scène est choisie par le processus en question, le système expert, au fur et à mesure de la lecture. Il faut que l'auteur valide le fait que n'importe lequel des chemins est son œuvre. Et qu'il est d'accord avec le fait que ça puisse se passer de cette façon-là. Tu as quelqu'un qui avait écrit 1000 milliards de poèmes, tu sais, qui était constitué de vers indépendants, et puis tu choisissais en tournant les trucs pour tomber sur un poème. Mais le principe, c'était n'importe lequel des poèmes obtenus me correspond, puisque j'ai écrit chacun des vers. Mais maintenant, imagine une structure donc comme ça, multidimensionnelle, donc fractale. Tu seras obligé de dire, je pense que ça sera le cas, mais je ne les ai pas tous lus, simplement parce qu'il y en a trop. De la même façon que l'ensemble des 1000 milliards de poèmes n'avait pas été lu. D'accord ? Mais il avait été conçu pour être comme ça. Ça pose de véritables problèmes. D'accord ? Le parcours d'une œuvre devient à ce moment-là quelque chose qui est en collaboration entre le lecteur et l'auteur et ce n'est pas du tout aussi évident qu'on pourrait le penser. D'accord ? On est obligé de se poser ces questions-là et le numérique, la digitalisation nous permet de faire ça. Nous permet aussi de rajouter tout un tas de choses qu'on appelle des métadonnées, c'est-à-dire des données autour du texte lui-même, qui aident à certaines choses, qui aident à le piloter, qui aident quelquefois dans une librairie à le repérer à certains endroits, qui aident à l'associer à d'autres choses. Suppose que, par exemple, je dise comme métadonnées, c'est un livre qui rappelle les livres de machin, truc et chose. Est-ce que machin, truc et chose sont d'accord ? Ce qui est une stratégie... Ça crée quelle conscience, là ? Attends, non, bouge pas. Puis, c'est, pose pas la question. C'est une stratégie marketing qui est super courante. Quand tu veux vendre un jeune auteur, tu dis c'est le nouveau Stephen King ou Stephen King a dit que ouais. C'est une manière d'associer. Ça avait marché pour un bouquin. J'ai rêvé de marcher, de courir longtemps, je crois. Ça a marché pour Clive Barker parce que et là c'était vrai parce que le blurb de faire la petite phrase de Stephen King. Stephen King l'avait réellement dit puis il l'a répété à la télé. Il a dit quand j'ai lu Clive Barker, j'avais l'impression qu'on n'avait rien foutu pendant 20 ans et qu'il y avait un petit con qui venait de nous réveiller. Bon, et ça sur une phrase, t'as tout le monde qui a été acheté Clive Barker à juste raison, si tu veux. Mais c'est Stephen King qui a dit, moi Stephen King, avec toute mon autorité de Stephen King, je pense ça. Maintenant, si moi, attaché de presse, je dis, bon, c'est le nouveau Victor Hugo, etc., je peux l'écrire, j'ai le droit. Mais à un moment donné, est-ce que si je fais un ensemble de bases de données en disant, ça va dans telle direction, c'est lié à ça, puis en fait, c'est très proche de ça, est-ce que j'ai le droit ? Est-ce qu'au point de vue auteur, ça marche ? Est-ce que si j'emprunte des choses à l'univers d'à côté, ce qui est quand même possible, j'ai le droit ? Tu vois, est-ce que je fais un livre dans l'univers 2 comme on fait un jeu vidéo dans l'univers 2, est-ce que j'ai le droit, tu vois, tout ça le numérique le permet, la notion même de livre numérique entraîne ce genre de passerelle, entraîne ce genre de balade dans une espèce d'océan où on n'a que des gouttes d'eau et on passe notre temps à passer d'une goutte d'eau à l'autre, mais on n'a pas la législation pour ça, on n'a pas encore le mode de pensée pour ça, on n'a pas, tu vois, le sampling, il a fallu définir comment ça marche au point de vue du truc. Mais tu as des situations, par exemple, où la SACEM renonce parce que y a trop de sampling dans un seul morceau. Donc les mecs te disent, il n'y peut pas y avoir 140 auteurs, tu vois, parce qu'à ce moment-là, la fraction est en dessous de ce que la machine s'est calculé, tu vois. Non, mais c'est des trucs aussi bêtes que ça. Oui, mais c'est, alors là, c'est des considérations en plus très techniques. C'est ça la vraie vie. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à un moment, il faut s'y coller, il faut être pragmatique. Prends l'exemple des fanfictions. C'est un truc sur lequel Wattpad, tu trouves des dizaines et dizaines de fanfictions, de Twilight et autres. Voilà. Et mais vous lisez combien de pages de ça? Non, moi, j'y arrive pas. Mais déjà, l'original. Mais en fait, les gars reprennent des scènes, ils reprennent des bouts de texte et ils font, je fais la scène vue de l'autre point de vue, etc. etc. Donc, généralement, c'est toléré tant qu'ils n'arrivent pas à en générer des revenus. Mais un jour, il y a quelqu'un qui se rendra compte que Wattpad génère des revenus dessus. Et que du coup, je ne sais plus le nom de l'autre, de Twilight, elle va te dire, mais attendez, Stephanie Meyer, bien, et je suis très déçu de savoir ça. Enfin, je me déçois moi-même. Moi, je l'aurais pas assumé, mais je ne suis pas là, ce n'est pas moi. Etienne, tu pourrais te retenir quand même, hein, s'il te plaît. Donc voilà, un jour, l'agent de Stephanie Meyer va aller voir Wattpad en disant, mais attendez, vous faites tant d'argent sur les fanfictions de Twilight. Et du coup, vous utilisez des parties de l'univers que Stephanie Meyer a créé, des parties de texte de Stephanie Meyer, des personnages créés par Stephanie Meyer. On ne vous a jamais donné l'autorisation et vous générez de l'argent. Le point clé sera toujours de l'argent. Tant que ça rapportera peanuts, ce ne sera pas un problème. Le jour où Wattpad lève beaucoup, beaucoup d'argent, le jour où ils vont générer, les fanfictions vont tomber sur ce problème-là. Mais en effet, avec le numérique, c'est devenu facile. Et c'est devenu, tout de même, ce sera trop gros pour que ces gens-là interviennent. Tu veux que je te donne un exemple qui est un exemple réel que j'ai vécu. J'ai signé un contrat discographique il y a pas si longtemps que ça, tu vois, donc pour un texte de chanson. Contrat avec Sony Music. Je lis le contrat et je m'aperçois que je cède les droits pour la Terre et l'ensemble du système solaire. Je pars mort de rire et je dis, moi, je vous le signe sans aucun problème, mais il faut que vous sachiez que sur Mars, je vends rien. Et là, sérieux. Et là, je pense que je vais rajouter cette clause à mes contrats. Le type de Sony me dit, mais ne rigole pas. Ne rigole pas parce que la Terre, c'est la Terre jusqu'à l'atmosphère. Or, il y a des objets hors atmosphère. Ça s'appelle, par exemple, la Station Spatiale Internationale. Ça s'appelle des satellites de trucs. Les Chinois sont en train d'envoyer des centaines de satellites là-haut et tout ce qu'ils broadcastent des satellites est hors de la responsabilité SACEM. C'est gratuit. Donc, maintenant, le système solaire, on refait signer tous nos contrats. Ils veulent installer une base sur la Lune pour faire du broadcast. On veut pouvoir les piéger avant qu'ils le fassent. Faut-il être un pirate de grande envergure pour aller diffuser des trucs pirates les satellites ? Même chose, wow. Vous avez certainement entendu parler d'un truc qui s'appelait The Pirate Bay. Oui, bien sûr. The Pirate Bay. J'aime beaucoup, je cite. Ouais. Où était le serveur de The Pirate Bay ? Dans quel pays était-il ? Tout début en Suède et maintenant avec tous les murs. Dans aucun. Il était suspendu à un dirigeable, il était à 3500 mètres d'altitude. Et donc, il était en dehors de la zone, absolument. Et il y avait des systèmes qui se renvoyaient, etc. Et il était même physiquement associé, enfin, numériquement associé à un pays, mais il n'était pas physiquement déposé à un endroit. Wow. D'accord ? Ok. Quand le monsieur sur la station spatiale a fait l'interprétation du truc de Bowie, Space Oddity, qui est absolument superbe, on s'est posé la question. Il a dit, moi, je veux donner mes droits à un truc gratuit. Enfin, tu sais, parce que c'est un type très bien. Il n'y a pas de problème. Bowie était d'accord et tout. Le problème, c'est que non, on peut pas donner les droits parce que on est en dehors de l'atmosphère. Par conséquent, il n'y a pas moyen de récupérer les droits auprès de quoi que ce soit. Vous voyez ce genre de petits détails. Le numérique permet ça. Le numérique permet d'envoyer le machin pour qu'il soit broadcasté depuis là-haut. Tu vois ? Comment on fait après ? Eh bien, on est mal. Hein. Et tout ça, on n'y a pas pensé. On se trouve face à un petit malin qui a trouvé l'idée et puis on dit, ben, comment on fait pour l'en empêcher ? Comment on fait pour empêcher que monsieur Amazon fasse la totalité de ses ventes en Luxembourg ? Tout ce qu'il vend en France, il vous explique qu'en fait, il n'a pas fait de bénéfice parce qu'il est obligé de le commander au Luxembourg. Et que c'est au Luxembourg que c'est réellement pendu, sauf que Luxembourg, les lois sur les trucs sont vagues, et c'est là-bas que ça se paye. Comment on fait pour l'empêcher ? Mais on est obligé de faire une loi, de faire un truc, et ça met 10 ans. C'est bête, hein ? C'est ça la réalité du numérique. La numérique, par le fait que tu peux l'envoyer partout, que ça circule immédiat, que les copies, on est obligé de repenser totalement la manière dont on vit avec. Je pense que ouais, la manière vraiment positive, c'est ça, c'est de prendre conscience du problème, l'accompagner, le diriger et surtout pas essayer de le freiner. Ce qu'on a aujourd'hui dans les livres numériques versus les livres papier, c'est beaucoup de gens qui freinent, qui sont debout sur le frein en se disant on voit la catastrophe arriver et donc on fait tout pour l'en empêcher. Or, on n'arrivera pas. À un moment, Amazon, machin, etc., ils ont des moyens. Qu'on a déjà perdu là-dessus. Voilà. Oui, ils ont perdu. Face à Amazon, ils ont perdu. Chaque année, Amazon conquiert un nouveau pays. Mais tous les grands pays l'ont déjà. Ils sont en train de faire le Sri Lanka, les trucs. Les petits, ils ont tout. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il faut plus essayer de voir comment, ce que ça va transformer sur la manière de raconter les histoires, sur les livres, sur les modes de commercialisation, sur les bonnes d'abonnement. Là où il faudrait peut-être un jour s'inspirer, par exemple, du jeu vidéo qui l'a beaucoup fait, c'est-à-dire face au problème de piratage, ils ont fait les MMO qui permettent, en fait, contre un abonnement, de jouer tous les mois, mais d'être connecté, donc de vérifier. Ils ont enlevé le offline qui était une grande source de piratage. Ils ont développé des algorithmes assez poussés sur la protection de piratage sur les grands jeux, parce que ça coûte très très cher, mais du coup, qui fait que les pirates, qui sont généralement des individus ou des équipes, commencent à lâcher prise. Elles commencent à ne plus arriver à casser le craquage. Donc après, ça reviendra, hein, c'est un balancier, mais voilà, il y a des industries qui ont été confrontées au problème avant nous, et c'est pour ça que des fois, c'est assez décevant que la seule forme de réponse soit une opposition frontale, en disant, bah non, on fera tout pour que ça n'arrive pas, ou qu'on essaie de faire des lois qui empêchent et qui vont de toute manière mettre 10 ans et qui résoudront un problème 10 ans trop tard. Regardez Adopi. Oui, non, mais alors parlons pas de catastrophe non plus, parce que Adopi, c'était quand même une débâcle de A à Z. Oui, parce qu'ils ont essayé de résoudre un problème 5 ans trop tard. Enfin, à partir du moment où ils ont essayé de résoudre le problème, qu'ils aient créé la loi, la structure, les outils, etc., le marché était passé à autre chose. Donc, de toute manière, à un moment, ils luttent contre des moulins à vent. C'est du Don Quichotte là-dessus. Et on ne lutte pas, on accompagne le changement. On ne l'empêche pas. Oui, et puis Adopi, c'était quand même un peu des fonctionnaires qui découvraient l'Internet, quand même. Ouais. Il y avait ce petit côté très français, technophobe. Mais il y avait tous les pirates du Minitel, ils les repèrent, il n'y a aucun problème. Alors attendez, parce qu'il y a un marché à faire, là. Ok, eh bien, écoutez, merci beaucoup pour vos réponses à nos questions. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, si vous avez des sites Internet, ce genre de choses ? Bon, nous, c'est tout simple, hein, viafabula.com, vous cherchez viafabula, Facebook, Twitter, Instagram, et normalement, on poste très très régulièrement des nouvelles. Moi, on me trouve aussi avec Duniac, D-U-N-Y-A-C-H, donc un www.duniac.fr ou Duniac sur Jean-Claude Duniac sur Facebook, il n'y a pas de problème, on me trouve aussi. Je suis même sur Twitter, mais je tweete très peu. D'accord. Et alors du coup, pour vos prochaines sorties, qu'est-ce que vous avez prévu, si vous avez des sorties qui vont arriver ou pas du tout ? Alors nous, on travaille là sur une application via Fabula, bibliothèque, qui va regrouper tous nos livres, parce que là, on faisait un livre, une application, donc là, on va tout regrouper. Donc ça devrait sortir en avril, et puis on a donc du coup une grosse dizaine de titres qui sont prévus pour l'année, avec de la romance, de la SF, du fantastique, etc. Donc on va essayer, donc là, les textes sont prêts, on attend que le développeur ait fini, et on va sortir deux titres par mois jusqu'à la fin de l'année. Et moi, j'ai écrit il y a 2 ans de ça un livre dont le héros est un troll, qui est de la fantasy humoristique. Et le deuxième sort en mai, là je l'attends. Et je suis en train d'écrire le troisième et je prépare aussi un space opéra. Mais en mai, il y a donc la suite du troll qui s'appellera L'Enfer du troll. D'accord, ok. Merci beaucoup. Du coup, quant à nous, on va se laisser aussi ici. vous pouvez nous retrouver, comme d'habitude, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, sur le site internet aussi, si vous êtes vachement chaud. Et sinon, on va se laisser là. Merci beaucoup et bonne écoute sur RMM.